Toujours à l'occasion de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, les fonctionnaires chargés de la culture et de l'amitié des ambassades de divers pays en Corée ont visité le vide courant la filature Kim Jong-suk de Pyongyang.